Chapitre 7. Lorsqu'il disait quelle démonstration avait accueilli monsieur le duc de Sairmeuse, Chalouineau restait au-dessous de la vérité. Chupin avait trouvé le secret de chauffer à blanc l'enthousiasme de commande des paysans si froids et calculateurs qui l'entouraient. C'était un dangereux gredin que ce vieux maraudeur, pénétrant et cauteleux, hardi comme qui n'a rien, patient autant qu'un sauvage, enfin, un de ces coquins complets, et tout d'une venue telle qu'on n'en trouve qu'au fond de la campagne. On le craignait, et cependant on ne le connaissait pas complètement. Toutes les ressources de son esprit, il les avait jusqu'alors dépensées misérablement à côtoyer, sans y tomber, les précipices du code rural. Pour se garder des gendarmes et pour dérober quelques sacs de blé, il avait dépensé des trésors d'intrigue à faire la fortune de 20 diplomates. Les circonstances, il le disait souvent, l'avaient mal servi. Aussi est-ce désespérément qu'il s'accrocha à l'occasion rare et unique qui se présentait. Comme de juste, ce rusé gredin n'avait rien dit des circonstances qui entouraient la restitution de Sairmeuse. Les paysans ne connurent par lui que le fait brutal dont ils allaient semant la nouvelle de groupe en groupe. « Monsieur Lacheneur a rendu Sairmeuse, disait-il. Château, bois, vignes, terre à blé, il rend tout !» C'était plus qu'il n'en fallait pour bouleverser tous ses propriétaires de la veille. Si monsieur Lacheneur, cet homme si puissant à leurs yeux, se jugeait assez menacé pour aller au-devant d'une revendication, que ne devaient-ils pas craindre, eux, pauvres diables, sans appui, sans conseil, sans défense? On leur affirmait que la loi allait les trahir, qu'un décret se préparait qui rendaient comme des chiffons de papier leurs titres de propriété. Ils ne virent de salut que dans la générosité de M. Sairmeuse, cette générosité que Chupin faisait briller devant leurs yeux comme un miroir à alouette. « Quand on n'est pas le plus fort, comme leurs mots, disaient les orateurs de leur délibération, on plie comme l'osier qui se relève quand l'orage est passé. » Et ils plièrent, et leur soi-disant enthousiasme déborda avec un délire d'autant plus extravagant que la rancune et la peur s'y mêlaient. À bien écouter, on eût reconnu dans certains cris l'accent de la rage et de la menace. Enfin, comme il est rare que l'homme des campagnes, travaillé de défiance, ne garde pas une arrière-pensée, chacun d'eux se disait à part soi. « Que risquons-nous à crier « Vive monsieur le duc ?»« Rien, absolument. S'il se contente de cela pour tout loyer, bon. » S'il ne s'en contente pas, il sera toujours temps de voir à trouver autre chose. Là-dessus, il clamait à ses gosiers, et tout en savourant son café dans la petite salle du presbytère, le duc se laissait aller à son ravissement. Il devait, lui, le grand seigneur du temps passé, l'incorrigé et l'incorrigible, l'homme des grotesques préjugés et des illusions obstinées, il devait prendre pour argent comptant les acclamations, fausse monnaie de la foule, « véritable monnaie de singe, » prétendait Chateaubriand. « Que me chantiez-vous donc, curé ? » disait-il à l'abbé Midon. « Comment avez-vous pu me peindre vos populations comme mal disposées pour nous ? Ce serait à croire, Jarmibieux, que les mauvaises dispositions n'existent que dans votre esprit et votre cœur. » L'abbé Midon se taisait. Qu'eût-il pu répondre ? Il ne concevait rien à ce revirement brusque de l'opinion, à cette allégresse soudaine, succédant au plus sombre mécontentement. Il y a quelqu'un sous tout ceci, pensait-il. Ce quelqu'un ne tarda pas à se révéler. Enhardi par son succès, Chupin osa se présenter au presbytère. Il s'avança dans le salon, les chines arrondies en cerceau, humble, rampant, l'œil plein des plus viles soumissions, un regard obséquieux aux lèvres. Et, par l'entrebâillement de la porte, on apercevait, dans l'ombre du corridor, le profil peu rassurant de ses deux fils. Il venait en ambassadeur, il le déclara après une interminable litanie de protestations. Il venait conjurer Monseigneur de se montrer sur la place. « Eh bien, oui !» s'écria le duc en se levant. « Oui, je veux me rendre au désir de ces bonnes gens. Suivez-moi, marquis !» Il parut sur le seuil de la porte de la cure, et aussitôt un immense hurrah s'éleva. Tous les fusils des pompiers furent déchargés en l'air, les pierriers firent feu. Jamais Sairmeuse n'avait ouï pareil fracas d'artillerie. il y eut 3 vitres cassées au bœuf couronné. Véritable grand seigneur, monsieur le duc de Sermeuse sut garder sa froideur hautaine et indifférente. S'émouvoir est du commun. Mais en réalité, il était ravi, transporté. Si ravi qu'il chercha vite comment récompenser cet accueil. Un simple coup d'œil jeté sur les titres remis par Lacheneur lui avait appris que Sermeuse lui était rendue presque intacte. Les lots détachés de l'immense domaine et vendus séparément étaient d'une importance relativement minime. Le duc pensa qu'il serait politique et peu coûteux d'abandonner ces misérables lopins de terre, partagés peut-être entre 40 ou 50 paysans. « Mes amis, cria-t-il d'une voix forte, je renonce pour moi et mes descendants à tous les biens de ma maison que vous avez achetés. Ils sont à vous, je vous les donne. » Par cette donation grotesque, M. de Sermeuse pensait porter au comble sa popularité. Erreur. Il assurait simplement la popularité de Chupin, l'organisateur de la comédie, de Chupin qui se dessinait en personnage. Et pendant que le duc se promenait, d'un air fier et satisfait au milieu des groupes, les paysans riaient et se moquaient. Ne venait-il pas de jouer l'ancien seigneur, comme disaient les vieux? Même s'il s'était si promptement déclaré contre Chalouineau, c'est que la donation leur semblait un peu fraîche, sans cela. Mais le duc n'eut pas le temps de se préoccuper de cet incident qui frappa vivement son fils. Un de ses amis de l'émigration, le marquis de Courtaumieux, qui avait prévenu de son arrivée par un express, accourait à sa rencontre suivi de sa fille, Mademoiselle Blanche. Martial ne pouvait pas ne pas offrir son bras à la fille de l'ami de son père, et ils se promenèrent à petits pas à l'ombre des grands arbres, pendant que le duc de Sermeuse renouvelait connaissance avec toute la noblesse des environs. Il n'était pas un hobereau qui ne tînt à serrer la main de monsieur de Sermeuse. D'abord, il possédait, affirmait-on, plus de 20 millions en Angleterre. Puis, il était d'amis du roi, et chacun pour soi, pour ses parents, pour ses amis, avait quelques requêtes à faire appuyer. Pauvre roi, il eut la France entière à partager comme du gâteau entre tous ses appétits, qu'il ne les eut pas satisfaits. Ce soir-là, après un grand dîner au château de Courtaumieux, le duc coucha au château de Sermeuse, dans la chambre qu'avait occupée Lacheneur, comme Louis XVIII, disait-il en riant, dans la chambre de Buonaparte. Il était gai, causeur, plein de confiance dans l'avenir. « Ah, on est bien chez soi, » répétait-il à son fils. Mais Martial ne répondait que du bout des lèvres. Ses pensées étaient obsédées par le souvenir de deux femmes, qui, dans cette journée, l'avaient ému, lui si peu accessible à l'émotion. Il songeait à ces deux jeunes filles si différentes, Blanche de Courtaumieux, Marie-Anne Lacheneur.